Alors, puisque tu es sur une plateforme, tu vois une bombe, tu sais pas ce que c'est. Tu la prends et tu la lances sur des blocs. Du coup, elle explose et ça casse les blocs.